Poésie sur parole, cette semaine, Roland Dubillard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le concert que nous vous proposons d'écouter, qui, rappelons-le, vous sera directement transmis en direct de la salle du Purgatoire à Camembert, a été enregistré il y a un peu plus d'un mois lors du festival qui fut donné en cette ville à l'occasion du second centenaire de la première communion du grand compositeur autrichien Sigmund Freud, dont le monde entier célèbre aujourd'hui solennellement le 11e cinquantenaire de la naissance de son glorieux grand-père, le peintre et compositeur borgne Jean-Sébastien Lavergne, mort, on le sait, tragiquement, il y a un peu plus de 8 mois, entre les mains criminelles d'un vieil artisan du faubourg Saint-Antoine. Œuvre monumentale, oui, sans doute, mais pas seulement monumentale, l'opus 54, classé 437 bis dans le catalogue aberrant, occupe dans l'œuvre de Sigmund Freud une place de toute importance. Tant au point de vue rythmique, en effet, qu'au point de vue mélodique, tant au point de vue orchestral qu'au point de vue du confort des exécutants, l'opus 54 représente, pour ainsi dire, le germe avant-coureur du requiem pour archet seul, dernier soupir de cette grande âme. On remarquera à cet égard, et plus particulièrement, le fameux lamentabile du troisième mouvement, l'ad libitum du quatrième, et dans ce même quatrième mouvement, la 28e double croche à partir de la droite, double croche dont Richard Wagner a dit « j'aurais aimé l'écrire » et qui annonce curieusement Mendelssohn. C'est en 1098 que le jeune Sigmund composa cette symphonie concertante pour hautbois, clavecin bien trempé, orchestre à cordes et quatuor à pétrole. Il était alors âgé de 9 mois et il résidait à la cour de l'archiduc d'Eau Froide, un peu à côté du robinet, dans ces jardins enchantés que Goethe, l'immense Goethe, traversera bien souvent, la plume à la main, le regard pensif, au bras du sévère Eckermann, parmi les grondements d'une révolution française déjà lointaine. Et ce n'est certainement pas seulement une légende qu'on nous rapporte, ces grondements, le jeune Sigmund eut sans doute l'ambition de les transposer, peut-être pas tous, certains grondements par exemple ne nous ont pas été conservés, mais 3 ou 4 au moins de ces grondements de la Révolution française, le jeune Sigmund eut certainement le dessein, et non seulement le dessein, mais le génie, de les transposer dans cette symphonie opus 54 dédiée, on le sait, à Rouget de Lisle, et que par conséquent la postérité n'a pas eu tort de surnommer la symphonie Levrette. Car, entre autres grondements, revient dans cette symphonie comme un leitmotiv inlassablement répété par le quatuor à pétrole, le grondement pathétique d'une petite chienne, d'une levrette, dont on ne sait pas bien à qui elle appartenait, sinon à Marie-Antoinette, du moins à l'une de ses suivantes. Certains exégètes n'ont pas hésité à faire intervenir, dans cette histoire déjà bien lourde de levrette, le nom et la mémoire d'André Chénier. La symphonie Levrette de Sigmund Freud, qui vous sera donnée dans le cadre du festival de Bidibim Bidibim, sera exécutée par l'Orchestre psychanalytique de Butte-en-Blanc, sous la direction de Jacques Lacan, avec le concours du quatuor à pétrole des usines Renault et des solistes du Purgatoire National, Eugène Labelle, au bois, et Madame Armande Armins de l'Armergue, au clavecin bien trempé. Vaïdé, voyette, vaillez-vous. Ter Gunzert, pus neretripumos cucuner fis bibic, caipis, nus milumos tubi, erc arniriot directo pas sal du purgatoire de Camembert, on gurgo among energistra tu furiet, in ocas tur biseterimus, tur magnus compostrin Sigmund Freud, turpis tuticanti gromiderumen, bi cinquanturimus, tur yupi tur olana papa, Jean-Sébastien Lavergne. Attention, messieurs, accordons-nous, s'il vous plaît. Roland Dubillard a dit « Le concert ». Signalons qu'il publie cet automne chez Gallimard une nouvelle édition revue de ses poèmes, « La boîte à outils », précédée de « Je dirais que je suis tombé ».